إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc tout d'abord avant de commencer ce cours qui a pour titre Ils sont la paix des cœurs, إنهم طاعون القلوب, et c'est un cours qui est en fait une khutba, un sermon du vendredi de Cheikh Mohamed Saïd Raslan, Hafidahullah Ta'ala, qu'Allah le préserve de tout mal. Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue aux frères salafis francophones de Mingham qui sont chez moi ici à la maison pour assister en direct au cours via la radio de Sunna Publication. Et en même temps, je voudrais remercier le frère Abu Asma, le frère qui est responsable du site et responsable de la radio, et qui nous a gentiment invités, qui nous a permis et nous donne l'opportunité de parler ce soir sur ce sujet important qui fait partie des fondements des gens de la Sunna, et c'est le fait de comment se comporter vis-à-vis des gens de l'innovation et de l'égarement. Donc directement, on commence le cours en disant, Cheikh Raslan Hafidahullah Ta'ala, il dit « فَإِنَّ الرَّدَّ عَلَى الْمُخَالِفِ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَقَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ من قواعد شريعة رب العالمين دل على ذلك الكتاب المبين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ودل عليه إجمع السلف الماضين ومن تبعه من علماء السنة أجمعين وهو باب عظيم من أبواب الجهاد كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك في مواضع من كلامه فبين أن بيان أخطاء أصحاب المقولات الباطلة التي تخالف الكتاب والسنة مع تجلية حالهم وتحذير الأمة منهم كل ذلك واجب باتفاق المسلمين. On commence donc ce cours qui a pour titre Ils sont la paix et des cœurs de Cheikh Mohamed Saïd Raslan, qu'Allah le préserve. Et il commence son sermon en disant: réfuter un transgresseur fait partie des fondements de la religion et fait partie des règles de la législation du Seigneur des univers. Cette réfutation a été indiquée par le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du prophète digne de confiance sallallahu alayhi wa sallam, et par le consensus, l'unanimité des pieux prédécesseurs et de tous les savants de la sunna qui les ont suivis. Et c'est un genre important parmi les genres de jihad, comme l'a mise en évidence, et ce à plusieurs endroits, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde et le récompense par le Firdaus al-A'la. Il a montré, rahimahullah, que clarifier les erreurs de ceux qui disent de fausses paroles, qui contredisent le Coran et la sunna, et exposer leur situation et mettre la communauté en garde contre eux, tout cela est obligatoire, et ce à l'unanimité des musulmans. Ici, j'attire votre attention sur deux mots qui ont été utilisés ici. C'est le mot quoi? Obligatoire, et le mot unanimité. Qu'on ne vienne pas vous mettre des choubouates. Il a dit, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, tout cela est obligatoire. Il n'a pas dit préférable. Il a dit obligatoire, et ce à l'unanimité des musulmans. Il n'y a pas khilaf là-dessus. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Et maintenant, on va rapporter des preuves et des anouqulats, des narrations de salaf par rapport à ce point-là. وذكر ابن مفلح وذكر ابن مفلح في الآثار الشرعية أنه قيل للإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا صلى وصام واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. Première narration et première preuve de ce qu'il avance, le cheikh ici, il rapporte une parole d'Ibn Mufliḥ, rahimahullah ta'ala, qui a dit dans son fameux livre Al-Adab al-Shar'iyya, qui a été publié avec un tahqiq, il dit que l'imam Ahmed, l'imam al-Mubajjal Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'imam des gens de la Sunna, fut questionné de la manière suivante. Un homme jeûne et prie et pratique la retraite spirituelle, l'itikaf. Cela est-il plus aimé de toi ou parler sur les gens de l'innovation? Qu'est-ce que l'imam Ahmed rahimahullah il a répondu? Voilà sa réponse. Il a dit, l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, il répondit de la manière suivante, s'il prie et jeûne et fait l'itikaf, cela n'est que pour lui. Tandis que s'il parle sur les gens de l'innovation, cela est pour tous les musulmans. Cela est préférable. Hada afdal, il a dit l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Une autre preuve, une autre narration parmi les narrations des salaf. وذكر الخطيب في الكفاية وفي الجامع أيضا أنه قيل لأحمد رحمه الله تعالى أنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا فقال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ Et puis Cheikh Arslan, il explique cette parole de l'imam Ahmed, il dit فكلامه رحمه الله يدل على أن تبين الفارق بين أهل السنة أن تبين الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة وأن توضيح المشتبه من الأمر من أهم المهمات في دين رب العالمين كما بين ذلك كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعليه إجماع السلف الماضيين وجعلوا ذلك من أعظم أنواع الجهاد في سبيل رب العالمين الخطيب رحمه الله تعالى ce grand imam de la sunna car il fasse miséricorde il a dit dans le kifaya Et dans Al-Jami' aussi également, donc dans deux livres, Al-Kifaya et Al-Jami', il fut dit à l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, il m'est difficile. En arabe, ici, littéralement, lourd. Yathqulu alayya. Thaqil alayya. Yathqulu alayya. Il est lourd, il m'est lourd, il m'est difficile de dire un tel est ceci ou un tel est cela. L'imam Ahmed, rahimahullah, l'imam Ahl al-Sunnah, rahimahullah ta'ala, il dit alors, Si tu te tais et je me tais, comment l'ignorance saura distinguer l'authentique du faible? Et puis, Cheikh Al-Islam, comme je l'ai dit, il explique cette parole. Il dit sa parole, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est-à-dire la parole de l'imam Ahmed rahimahullah, indique que mettre en évidence la différence entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation religieuse, al-bida', ainsi que clarifier ce qui est ambigu, fait partie des choses les plus importantes dans la religion du Seigneur des univers, comme cela a été mis en évidence par le livre de notre Seigneur, le Coran, et la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sur quoi il y avait un consensus, unanimité des pieux prédécesseurs qui voyaient cela comme l'un des genres les plus importants de jihad sur le sentier du Seigneur de l'unité des univers, subhanahu wa ta'ala. في كتاب الرد على المخالف لبكر أبي زيد. alors ici on va citer une parole de Bakr Abi Zayd. et je sais qu'il y a des frères qui pourraient peut-être étonner, mais inshallah ils vont comprendre dans un instant, inshallah. قال الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام. ولهذا إذا رأيت من رد على مخالف في شذوذ فقهي أو قول بدعي فاشكر له. فاشكر له دفاعه بقدر ما وسعه ولا تخذل بتلك المقولة المهينة لماذا لا يرد على العلمانيين فالناس قدرات ومواهب ورد الباطل واجب مهما كانت رتبته وكل مسلم على ثغر من ثغور ملته هذا الكلام كما ترى كلام متين الشيخ الإسلام كي قال متنا اسمعه مرة أخرى وانسبه إلى قائله لكي تعلم حقيقة التلبيس والتدليس التي سيقت إلى أبناء الأمة فحرفت لجماهيرهم عن المحجة فحرفت لمجاهيرهم عن المحجة وأضلتهم عن الصراط المستقيم قال الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام ولهذا إذا رأيت من رد على مخالف في شذوذ فقهي أو قول بدعي فاشكر له دفاعه بقدر ما وسعه ولا تخذله بتلك المقولة المهينة لماذا لا يرد على العلمانيين؟ فالناس قدرات ومواهب ورد الباطل واجب مهما كانت رتبته وكل مسلم على ثغر من ثغور ملته. Écoutez la parole de Cheikh Arslan ici. C'est pour ça que j'ai dit, attendez, hein, avant de vous étonner de quoi que ce soit. كلامه وتقعيده في الرد على المخالف قوي متين من الجهة العلمية النظرية وإن كانت قد تخلف عنده وإن كان قد تخلف عنده تخلفا عظيما من الجهة التطبيقية العملية غفر الله له. ولكنه أعني كلامه في الرد على المخالف وفي هجر المبتدع وفي تبرئه أهل السنة كلامه في ذلك ينسف ما أسس عليه كتابه الذي يتعلق به المبتدعة الحزبيون تعلق الغريق بالقشة لا تغني عنه شيئا وهو تصنيف الناس بين الظن واليقين. Dans le livre La réfutation du transgresseur de Bakr Abi Zayd rahimahullah, il dit, donc c'est qui parle ici? C'est Bakr Abi Zayd dans ce livre qui s'appelle La réfutation du transgresseur. La réfutation du transgresseur est l'un des fondements de l'islam. Donc si tu vois quelqu'un réfuter un transgresseur sur une irrégularité du domaine de la jurisprudence, shududin fiqhi, ou une parole innovée dans la religion, remercie-le donc. Remercie-le donc pour sa défense en fonction de sa capacité. Et ne lui fais pas défection en disant cette vile parole. C'est une parole qu'on entend beaucoup aujourd'hui, hein? Pourquoi ne réfute-t-il pas les laïcs? Cheikh il dit, Cheikh Raslan, pardon, toujours Cheikh Bakr Abi Zayd, rahimahullah, les gens ont des capacités et des talents différents. Et la réfutation du faux est une obligation, quel qu'en soit son degré. Et chaque musulman remédie à une déficience parmi les déficiences de sa communauté. Et Cheikh Raslan, il commente cette parole, il dit, de manière très juste et très précise, cette parole est, comme tu peux l'observer, une parole forte. Il y a des frères qui sont devant, Annie, si vous pouvez les faire rentrer, Annie. À chaque fois, comme ça, on coupe pas le cours. Ils peuvent rentrer directement, Inch'Allah. Donc, j'ai dit que Cheikh Raslan, il commente cette parole de Bakr Abi Zayd, rahimahullah, et il dit, cette parole est, comme tu peux l'observer, une parole forte. Écoute-la encore une fois et attribue-la à celui qui l'a dite, afin que tu connaisses l'ambiguïté et la fraude qui ont été adressées aux enfants de la communauté et qui ont écarté la majorité d'entre eux de la bonne voie et les ont égarés du droit chemin. Il dit, rahimahullah, la réfutation du transgresseur est l'un des fondements de l'islam. Donc, si tu vois quelqu'un réfuter un transgresseur sur une irrégularité du domaine de la jurisprudence, comme cela, ou une parole innovée dans la religion, remercie-le donc pour sa défense en fonction de sa capacité et ne lui fait pas défection en disant cette vile parole. Pourquoi ne réfute-t-il pas les laïcs? Les gens ont des capacités et des talents différents et la réfutation du faux est une obligation. Encore une fois, il a utilisé le mot obligation ici. Quel qu'en soit son degré, et chaque musulman remédie à une déficience parmi les déficiences de sa communauté. Écoutez la précision de Cheikh Raslan ici, par rapport à cette cotation, par rapport à cette narration de la parole de Bakr Abi Zayd. Cheikh Raslan, il dit, sa parole et son établissement de la règle au sujet de la réfutation du transgresseur sont forts et puissants du point de vue théorique et scientifique. Et ce même s'il y a failli lui-même du point de vue de son application pratique, rahimahullah. Mais sa parole sur la réfutation du transgresseur et sur le boycott de l'innovateur Hazrul Mubtadi' et le fait qu'il ait innocenté les gens de la Sunna démolit ce sur quoi il a basé son livre auquel s'accrochent les innovateurs et les sectaires, comme celui qui se noie et s'accroche au brin de paille alors qu'il ne lui est en rien utile. Et dont le titre est « La classification des gens entre le soupçon et la certitude ». C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est que Bakr Abu Zayd, rahimahullah, il a deux différents livres qui citent le cheikh ici. Et le dernier livre, là qu'on a dit, la classification des gens entre le soupçon, entre le soupçon et la certitude, eh bien, Al-Bida, ils essaient de s'accrocher à ce livre-là pour attaquer les gens de la Sunna, justement. Hein? Et ça, c'est une réfutation sur eux, justement. Pourquoi ils ne reviennent pas à l'autre livre où il a rapporté ce fondement parmi les gens de la Sunna, même s'il a rapporté de manière théorique, et que lui-même, rahimahullah, il y a failli du point de vue pratique. Cheikh, il dit des paroles fausses. المقولات الباطلة من مثلي لا تصدعوا للصف من الداخل لا تثير الغبار من الخارج المثلي نلتقي فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ومن مثل قولهم لا تحرك الخلاف بين المسلمين، ومن مثل قولهم ليس المهم أن نتعاون لكن لا نتعادى، ومن مثل وحدة الصف قبل وحدة الرأي. هذه المقولات كلها باطلة مردودة على قائليها، بل الرد إذا استوفى شروطه واستكمل آدابه ينتفع به حتى المردود نفسه. فالمردود عليه ينتفع بالرد عليه إذا كان الرد مؤسسا على قواعد الشريعة وحاجزا له عن الإيغال في الباطل والمضي في طريق البدعة، فإنه يستفيد من ذلك استفادة عظيمة وينتفع به انتفاعا كبيرا. Et puis il va rapporter des textes des salaf. On va traduire déjà ce passage-là. Il cite des exemples de paroles fausses. Et c'est des paroles que vous pouvez entendre aujourd'hui. Des paroles fausses comme « Ne brisez pas le rang de l'intérieur » et « Ne soulevez pas la poussière de l'extérieur » hein? Ou bien « Nous nous rejoignons sur ce quoi nous sommes d'accord et nous nous excusons les uns les autres ce sur quoi nous sommes en divergence. » Et c'est la règle des frères musulmans, des ikhwan muflisin. Hein? Ya ikhwan, wallah, je vous conseille yani, vivement, et je vous conseille à moi-même d'abord, d'étudier les livres des ulama sur les ikhwan muslims, vous allez voir le danger de ces gens-là. Il y a une vidéo qui circule sur Twitter, que j'ai tweeté, qui circule sur Internet, sur YouTube, etc., même si on ne recommande pas YouTube. Hein? C'est une vidéo de Cheikh Falah Ismail où il raconte comment Hassan al-Banna, avec quelqu'un qui s'appelle Al-Qummi, qui vient de Qom d'Iran, ils avaient fait une maison à l'époque en Égypte qu'ils avaient appelée Dar al-Taqrib. Comment rapprocher les madahib, c'est-à-dire comment rapprocher Sunna Shia. Et ils ont essayé à l'époque, Alhamdulillah, du fait d'Allah Azza wa Jal, le hakim de l'époque, hein, il a. C'est une longue histoire, revenez à la vidéo de Cheikh Falah Ismail, mais hein, il a fait que. Eh bien, ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce qu'il voulait instituer une faculté du Madhab Ja'fari, comme on appelle ça. C'est-à-dire quoi, le Madhab Rafd ou Tashayyu à l'université de l'Azhar. Alhamdulillah, ça n'a pas été fait. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, les Khwan musulmans, ils ont pris le pouvoir. Et maintenant, actuellement, il y a des Husseiniyat, on ne les appelle pas des mosquées, c'est des Husseiniyat, des endroits d'adoration chiite qui sont en train d'être ouverts en Égypte, et une école chiite qui est en train d'être ouverte. Hein? Et Cheikh Falah, il me l'avait dit personnellement. Il avait dit, si les Khwan muslimin prennent le pouvoir, et vous allez voir, ça risque de devenir une nouvelle dynastie fatimite, chiite. Hein? Parce que les Khwan muslimin vont ouvrir le pays et accueillir le Shia à bras ouverts. Et retournez au doctorat de Cheikh Falah Ismail, alhamdoulilah, qu'on a eu l'honneur de publier. Il fait 900 pages. Hein? Et il a consacré un passage à la fin entier où il cite les paroles dans les livres des Khwan muslimin par rapport à Tashayyou et comment ils critiquent les salafis et font l'éloge de Al-Khomeini et de Rawaf et de Tashayyou et les accords et les contrats qu'ils ont entre eux. Regardez ici, cette parole des frères musulmans, hein, nous nous rejoignons ceux sur quoi nous sommes d'accord et nous nous excusons les uns les autres sur ce quoi nous sommes en divergence. Et bien, cher, cette règle fausse des frères musulmans, des Ikhwan al-Muflisin, comme Cheikh Mokhbil les appelait, rahimahullah, hein? Et comme il a dit Cheikh Falah Ismail, il y a une autre riwaya. Cheikh Mokhbil leur donnait un autre nom. Ils appellent Al-Khouan. C'est quoi Al-Khouan? Le pluriel de Kha'in. Hein? Celui qui? Les traîtres. Al-Khouan al-Muflisin, Al-Khouan al-Muslimin. Qui a été réfutée, cette règle elle a été réfutée, je crois, par les gens de science. Et je vous donne une référence de Cheikh Ben Bad, rahimahullah. Il a réfuté dans son recueil de fatawa. Donc, مجموعة الفتاوى والمقائل والرسائل de Cheikh Ben Baz, rahimahullah, volume 3, page 58. Il a réfuté cette règle des Ikhwan Muslimin. Une autre parole qu'on entend parmi les paroles qui sont fausses, c'est ne remuez pas les divergences entre les musulmans. Et leur parole aussi, ce qui est important, ce n'est pas que nous nous entraidions, mais que nous ne nous détestions pas. Où est le walal bara? Et l'unité des rangs passe avant l'unité des opinions. Toutes ces paroles que vous pouvez entendre jusqu'au jour d'aujourd'hui, subhanallah. Chérili, toutes ces paroles sont fausses sur l'islam et ceux qui les ont dites ont été réfutés. Mais de plus, écoutez bien, c'est important de comprendre ça, ya ikhwa, hein? Mais de plus, si les conditions de la réfutation sont réunies et que ces bienséances sont complètement respectées, même celui qui a été réfuté bénéficie de cette réfutation. Pourquoi? Parce qu'il peut-être qu'il va revenir, ça, hein, s'il est sincère, peut-être qu'il va revenir, ou il y a moins de gens hein, qui le suivront. Chéril dit, celui qui a été réfuté bénéficie de la réfutation lorsque celle-ci est basée sur les règles de la législation islamique et que cela l'empêche de s'enfoncer dans le faux. C'est exactement ce que je viens de dire. Et de rester sur la voie de l'innovation religieuse. Et il en tire donc un grand profit et en bénéficie grandement. Mais c'est celui-là qui Allah dit waffaqahu Allah azza wa jalla liqabul nasiha liqabul rad. C'est pas n'importe qui, celui qui est sincère, qui cherche la sunna et qui a fait une erreur. Quand il est réfuté, il revient. Wallahi alhamd. Maintenant, on rapporte des nuqulats de salaf. Dakar al-Dahabi rahimahullah fi siyari alam al-Nubala an Abi Salih al-Farra qala حكيت ليوسف بن أصبات عن وقيع شيئا من أمر الفتن فقال ذلك أستاذه يعني الحسن بن صالح قال فقلت ليوسف أما تخاف أن تكون هذه غيبة قال ذلك أستاذه يعني الحسن بن صالح فتورع الرجل فقال أما تخشى أن تكون غيبة أتغتاب المسلمين كما قيل لابن أبي حاتم وهو يقرأ على القوم كتابه الجليل الجرح والتعديل فدخل عليه رجل صوفي رياضي لي السلف. Hein? Et ça, c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Toi, tu vas parler sur Al-Bida, hein? Salafi, ça ne lui pose aucun problème que tu parles sur Al-Bida. Mais de plus, son cœur, il est complètement apaisé avec ça. Parce qu'il aime Tariq al-Mufassal, comme il a dit Cheikh Al-Anjari. Et si tu n'aimes pas le Mufassal, comme il a dit Cheikh Al-Anjari. Si tu n'aimes pas Tariq al-Mufassal, la Tariq, la voie du détail, la voie de la clarification, et après, tu as un problème. C'est toi qui as un problème. Le manège, il est parfait. La révélation, elle est parfaite. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui n'aimes pas cette clarification. Fais attention. فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ صُوفِي. Hein, quoi, je pointe du doigt de personne ici, hein, les frères. Hein. فَقَالَ أَمَا تَسْتَحِي أَمَا تَخَافُ مِنَ اللَّهِ. Hein, c'est quelque chose que jusqu'au jour d'aujourd'hui, toi, tu parles sur Al-Bida, il y a un frère qui te dit, أخي, t'as là, mon frère. Hein? Ou bien tu parles même sur un chir qui était considéré comme salafi, mais qui ne l'est plus. Akhi, t'as que là, mon frère, il y a un tesquia. Akhi, tu fais riba sur le chir. Hein? Ils essaient de vous faire peur vis-à-vis de ça. Regardez ce qui s'est passé ici. Faqala, ama tastahi, ama takhafu min Allah. Tadkuru ha'oula annas. Ya'ani man mata mundu mi'at sana wa mi'ati sana. Yaqulu, wa la'allahum hattu rihalahum fil jannah. Ou rijalahum fil jannah. Mundu matu. أما تخشى أن تكون غيبة فارتدعت فرائصه وسقط الكتاب من يده ثم إلى سبيل الهدى والرشاد إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم. Écoutez cette parole de l'imam Dahabi rahimahullah qu'il a rapporté dans son livre Siyaru A'lam Nubala. C'est un titre qu'on va traduire plus tard. Vous allez voir pourquoi je vais le traduire plus tard inshallah dans le cours. Que Abu Salih Al-Farra il a dit: j'ai raconté à Youssouf ibn Asbat quelque chose de relatif aux fitan, aux épreuves d'après Waqi'. Il dit alors, c'est son professeur, c'est-à-dire Al-Hassan ibn Salih. Il dit, je dis à Youssouf ibn Asbat, n'as-tu pas peur que cela soit une médisance? Il répondit, c'est son professeur, c'est-à-dire Al-Hassan ibn Salih. L'homme eut de la crainte et dit, n'as-tu donc pas peur que cela soit une médisance? Médites-tu donc des musulmans? Exactement, il va raconter un autre exemple ici dans... Parmi les salafs qui s'est passé, vous allez comprendre. Comme il fut dit à Ibn Abi Hatim, lorsqu'il était en train, ce grand imam de la Sunna, lorsqu'il était en train de lire à des gens son illustre livre, Al-Jarh wa Ta'dil. Regardez le titre du livre. Hein, ce n'est pas une science que Cheikh Rabi' a inventée. Al-Jarh wa Ta'dil. Al-Jarh wa Ta'dil, c'est Jarh al-Ruwat wa Ta'dil al-Ruwat, mais c'est aussi Jarh al-Mubtadi'a. Et qu'on ne vient pas vous mettre la choubha que Al-Jarh wa Ta'dil, il est compilé, c'est fini maintenant. Hein, et qu'on ne peut plus le faire, on ne peut plus critiquer les gens, parce que les narrateurs, cette science-là, elle a été compilée. Naam, quand ça parle des narrateurs, mais qu'est-ce qu'il en est par rapport à Al-Bida? Les salafs, ils rapportent, et les ulama rapportent qu'il y a ijma' sur le fait que cette science-là, elle est jusqu'à yom, jusqu'à il a un taqoum as-sa'a. Qu'est-ce que la dernière heure arrive? Qu'on ne vient pas vous dire, non, attention, cette science-là, elle est compilée, khala, c'est fini, il ne faut plus en parler. Hein? Et il ne faut pas parler sur les gens, l'innovation maintenant, etc. Parce que Jarh Wa Ta'dil, il est fini maintenant. Là. Al-Jarh Wa Ta'dil, son livre qui s'appelle La critique et l'éloge, un homme soufite, il entra et il dit, n'as-tu pas honte? Donc Ibn Abi Hatim, il lit son livre Al-Jarh Wa Ta'dil. Il y a un homme soufi, il entre et il dit, n'as-tu pas honte? Ne crains-tu pas Allah? Hier, il lui fait peur, hein? Parce qu'il sait que Salaf, il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il essaie de jouer sur cette, hein, sur cette chose-là et dans cette, de cet angle-là. Hein, ne te crains-tu pas Allah subhanahu wa ta'ala? Tu parles de ces gens, c'est-à-dire ceux qui sont morts de plus de 100 ans, 200 ans auparavant. Il dit alors qu'ils résident peut-être au paradis depuis leur mort. N'as-tu pas peur que cela soit une médisance? Ibn Abi Hatim, rahimahullah. Se mit alors à trembler. Regardez, ils avaient taqwa salaf. Il se mit alors à trembler de tous ses membres. Et le livre tomba de ses mains. Mais ensuite, il revint vers la voie de guidance et droite, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la voie des compagnons qu'Allah les agrée tous. Connais pas un qui veut mettre des choubouettes, ya ikhwa. Hein? Quand tu parles sur quelqu'un dont les savants ont parlé, parce que nous, on ne connaît pas, on ne sait pas. On ne sait pas voir la différence entre les gens de la vérité et les gens du faux, c'est les ulama. Zamullah hein? Et à leur tête, les spécialistes en la matière, comme Cheikh Ahmed Soubeï, quand il est venu ici à Birmingham, il les appelait Shuyukh al-Ma'raka, les Shuyukh de la bataille, du combat. Il a dit, Alaykum bil ulama, attachez-vous aux ulama. Tous les ulama des gens de la Sunna, les salafis, et particulièrement, regardez la précision du Cheikh, Shuyukh al-Ma'raka, et il les a cités, il les a cités. Il a cité Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala. Hein? Et maintenant, actuellement, on cite également, et depuis toujours d'ailleurs, mais plus particulièrement maintenant, et vous savez pourquoi, Cheikh Obed el-Jabiri, hafidahullah ta'ala. Cheikh Mohammed ben Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala. Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidahullah ta'ala. Cheikh Zayd ben Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala. Et si je me souviens bien, vous me corrigez les frères de Birmingham qui sont ici, hein? Il avait cité Allah, il avait cité Cheikh Salih ibn Salih, Sa'ad ibn Salih al-Suhaimi. Hein? C'est juste ou pas? Hein, moi, je me souviens qu'il avait cité à la Kulhal retourner à l'audio. Ça, il fait partie de nos mashayikh de toute façon. Hein? Donc, il l'a cité, il a dit attention, je ne vais pas dire pourquoi je n'ai pas cité Cheikh Al-Fawzan. Il a dit j'ai dit tous les ulama. Voilà qui plus particulièrement eux, pourquoi? Parce qu'ils sont au front dans la bataille contre les gens d'innovation. C'est d'ailleurs pour ça que vous le voyez que les attaques sont plus particulièrement adressées contre eux. Ce qui est normal, ce qui est logique. Parce qu'ils sont à l'avant, ils sont à l'avant-garde. Les combattants, ils sont tous en train de combattre. Il y en a qui sont à l'avant-garde. Et parmi les shurs qui sont à l'avant-garde, eh bien c'est ces shurs qu'on a cités là. C'est pour ça que vous voyez que toutes les flèches, tous les missiles, tout ce qui est envoyé, c'est contre eux. Hein? Plus particulièrement contre eux. Plus spécifiquement contre eux. Donc on revient à ce qu'on disait ici. Donc je disais que nous, on ne sait pas voir la différence, il faut écouter l'ulama. Même si toi, tu considères quelqu'un parmi les gens de la sunna, même si cette personne a lavé des tisquettes de ulama, mais les mecheikh, ou même un cheikh, attention, je ne vais pas vous dire qu'il y a une autre choubha qui tourne et qui est répandue par Ali Hassan al-Halabi al-Mubtadi', al-Dhal al-Mudil, hein? Revenez aux réfutations du cheikh Ahmed Bazmoul, qui s'appelle Siyanat Salafi, min waswasat Ali Hassan al-Halabi, et les réfutations de cheikh Rabi', et les réfutations de cheikh Obi, de d'autres mecheikh, hein, de l'ijna da'ima, etc., sur Ali Hazel Halabi, que quoi qu'ils disent qu'il faut l'unanimité des savants pour prendre un jarh. Là, Cheikh Mohamed Amin Shinqiti, rahimahullah, dans Maraq al-Saoud, qui est un livre dans Usufiq al-Maliki, il a dit وَيُقْبَلُ الْجَرْحُ الْعَدْلُ وَاحِدُ وَيُقْبَلُ الْجَرْحُ الْعَدْلُ وَاحِدُ. C'est un parmi les savants qui est un adl, il est de confiance, d'équité, il fait un jarh détaillé, c'est détaillé, tu prends et akhifillah. Comme l'a dit Cheikh Bezmoul, tu ne dis pas non, je dois voir moi-même les erreurs. Parce que le fait d'accepter une critique détaillée, ça ne fait pas partie du fait de l'ijtihad, ça fait partie de Qaboul al-Akhbar. Quand quelqu'un, un savant de la sunna critique, même un seul, même si tous les autres c'est parce que c'est une obligation communautaire. Hein, des fois, certains mashayikh nous ont dit, nous on ne parle pas, parce que Cheikh Rabi il a parlé, pourquoi nous on va parler? Alors qu'est-ce qu'ils disent les al-bida'? Ils disent, regardez le fahm al-khati, ou le marad. Ils disent quoi? Il dit, ah, regarde, Cheikh Rabi, c'est le seul qui a parlé. Déjà, c'est le seul qui a parlé, mais il a parlé avec Dalil, il a parlé avec Tafsir, il a donné un jarh mufassal, une critique détaillée, donc il était obligatoire de prendre. Et deuxième chose, qu'est-ce que tu en sais, toi, du mawqif des autres? Nous, on connaît le moqf parce que les chiens nous parlent. Ils disent, nous, on n'a pas parlé parce que Cheikh Rabi a parlé, ça suffit, jazallahu khairan. Ce n'est pas une condition que plusieurs chiens parlent ou que tous les chiens y parlent. Un parmi les savants de la sunna, parmi les gens de science de la sunna, il parle, ça suffit. Donc, si Oubayd al-Jabiri critique quelqu'un, tu prends un khifillah. Hein? Et tu ne vas pas voir comme c'est une choubha que certains même de nos frères qui ont étudié, Allah al-Musta'ani, on entend, ils disent, oui, mais akhi, il ne faut, faut pas entendre qu'un son de cloche. C'est des paroles qu'on trouve dans certains forums, dans certains dourous, dans certaines assises privées. Ou akhi, oui, non, mais il ne faut pas exagérer, il faut écouter des deux côtés. Il faut être juste, il faut l'équité. Il faut écouter des deux côtés. Hein? Quand c'est des réfutations sur des gens que ont suivi et qu'on a l'habitude peut-être d'écouter, auquel on a l'habitude de revenir, et que même peut-être nous-mêmes on a écouté, parce que pourquoi ils étaient considérés comme salafis, hein? Mais parce que ils étaient des suiveurs de ces gens-là ou des gens qui écoutaient ces gens-là et qui respectaient ces gens-là, eh bien le cœur il s'est attaché à ces gens-là et ils ont préféré les hommes à la vérité. Et donc comme les meshir y parlent, avant, on a pris le jarh parce qu'on n'était pas accroché. Hein? Certains des frères qui ont commencé à pratiquer après le jarh de Maghraoui, après le jarh de Adnan Ar'our, après le jarh de Falih Al-Harbi. Oh ouais, bah c'est clair, c'est des gens d'innovation, on n'a pas de problème avec ça. Hein? Quand quelqu'un, parmi les gens que toi tu suis, il est critiqué, alors là on voit maintenant qui suit la vérité ou pas. Et une erreur, ça c'est nasiha de ma part. Même si ce n'est pas la parole du Cheikh Al-Islam dans le cours ici, mais ça n'a rien de ma part, parce que c'est quelque chose qui arrive beaucoup. C'est que beaucoup de frères qui s'égarent comme ça, c'est parce qu'ils ont cette choubha-là qu'il faut écouter et il faut lire ce qu'il a dit celui qui est majrouh. C'est exactement ce que disaient les suiveurs de Al-Maghraoui. Oui, mais akhi, tu n'as pas lu ce que Al-Maghraoui a répondu à Cheikh Rabia. C'est vrai ou pas? Ils lisent et ramassent les choubhat, et après ils suivent Al-Maghraoui et ils délaissent les ulama. La même chose avec Adnan Ar'our. En sachant le nombre de ulama, beaucoup de ulama ils ont mis en garde contre le Maghraoui, notamment Cheikh Al-Uthaymin, notamment Cheikh Taqid Hilal al-Maghribi, rahimahullah. Hein? Et d'autres savants. Cheikh Adnan Ar'our, Cheikh Al-Fawzan, il a mis en garde contre lui et contre ses règles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, il faut voir qu'est-ce qu'il a, Cheikh Adnan, il dit aussi. Falih al-Harbi. Hein? Certains de nos frères qui étaient considérés comme salafis, qui se revendiquaient salafis, quand Falih al-Harbi il a été critiqué, ils ont commencé à rendre innovateurs les ulama qui l'ont critiqué. Ils sont accrochés à Falih al-Harbi. Et ils lui sont vus dans les guerres. Où est Falih al-Harbi maintenant? Personne. Allez à Médine, vous allez voir, il n'y a personne à ses cours. Et je crois que vous accrochez à la vérité. Et pour s'accrocher à la vérité, il faut s'accrocher aux ulama de la vérité qui parlent avec Dalil. Il parle avec Dalil. L'ulama, il ne parle pas avec Hawa. Il parle avec Dalil pour défendre le haq. Tous ces usuls-là qu'on vient de citer. Plus récemment, il y en a d'autres qui ont été critiqués, qui sont considérés parmi le mashayikh. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire avec Cheikh Rayis? Cheikh Obed, il l'a critiqué. Il y a des frères, ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas accepter, ils continuent à s'accrocher à Cheikh Rayis. Cheikh Al-Fawzan, il a parlé de certaines erreurs dans les livres de Cheikh Rayis, dans l'Aqida. Hein? Vous voyez le hub, l'attachement aux gens. Ibn Qayyim, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Innaka habibun ilay, walakin haqq ahabu ilay. Tu es certes quelqu'un que j'aime, mais la vérité m'est plus aimée que toi. Allahu Akbar. On ne s'accroche pas aux hommes. Cheikh Falah Ismail m'a donné nasiha un jour. Et il me l'a donné, cette nasiha, quand il sortait de, je ne sais pas si on peut appeler ça un coma ou pas, mais quand d'anesthésie, on va dire, plutôt qu'il était opéré il n'y a pas longtemps, il a reçu une opération, il a eu toute la cheville remplacée. Hein. Regardez dans quel état le cheikh m'a donné cette nasiha. J'étais le voir à l'hôpital la nuit, et je suis rentré, il souffrait tellement le cheikh, le cheikh même quand il souffrait, il faisait le dhikr d'Allah Azza wa Jal. Hein. On a attendu longtemps avant de rentrer dans la pièce, on ne voulait pas le déranger. Et puis on s'est assis à côté de lui et le shir il souffrait beaucoup. Puis on a commencé à parler de din avec lui de menhaj. Et le shir, subhanallah, il a trouvé une force, subhanallah al-adim. Il a commencé à s'asseoir, hein? Comme il dit toujours lui, istishfa. Hein? On trouve Shifa là-dedans, alhamdoulillah, quand on parle de la sunna. Elle a commencé... Et moi, je le connais, donc je lui ai parlé un peu de l'imam Ahmad, etc. Je sais qu'il l'aime beaucoup. Hein? Donc, il a commencé à retrouver une force, à retrouver une vigueur. Et s'est assis. Il m'a donné une nasiha. Il m'a dit, ya ikhwa, c'est quand que vous allez appliquer cette règle? Inna al-hayya la tu'man alayhi al-fitna. Hein? Celui qui est vivant. Hein? Il n'est pas garanti, il n'est pas sauf. Il n'a pas... C'est pas sûr qu'il va être garanti de pas tomber dans la fitna. Celui qui est mort, naam, on sait, alhamdulillah, sur quoi il est mort, wallah, nous zakiya Allah ahada. Même s'il a une tazkiyat, même s'il a 20 tazkiyat, même s'il a 1000 tazkiyat. Qu'est-ce que cette tazkiyat, elle va lui être utile, Ani, s'il n'est pas sur le haq? En quoi elle va lui être utile s'il n'est pas sur le haq? Hein? Cheikh Oub el-Jabiri, actuellement, il a critiqué d'autres par le meshayr, avec Dalil. Après avoir patienté sur eux, après avoir des conseils, etc. Et malgré cela, les frères ils disent non, mais après, il faut écouter les deux sons de cloche. Il faut écouter des deux côtés. Il faut voir qu'est-ce qu'il dit des deux côtés. Ou peut-être parce que certains frères, ils ont l'habitude de téléphoner à un cheikh parce qu'ils parlent leur langue, ils ne parlent pas l'arabe, alors ils s'accrochent à lui, même si cheikh Obed le critique. Subhanallah l'adhim. Et je fais référence à cheikh Ramadani. Hein? Et vous savez que je le citais dans mes cours. Hein? Et qu'il a dit que c'est leur livre. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider et qu'il revienne sur ses erreurs. Lui-même il dit Ana ta'assartu bi Ali. Lui-même il dit j'étais influencé par Ali Hazal Halabi. Et toi tu vas dire le contraire. Allah al-musta'an. Donc il y a un jarh. D'un alim, fiqa, adl, quelqu'un parmi les gens de science, salafi, qui critique de manière détaillée, khalas, et tu prends et tu avances. Et tu oublies la personne qui est critiquée, oublie-la, akhi. Avance. Continue ton chemin. Accroche-toi. Et essaie pas de t'accrocher au brin de paille quand tu te noies, ça sert à rien, akhi fillah, comme l'a dit le cheikh lui-même ici. On continue. Donc, Ibn Abi Hatim, rahimahullah, il se mit alors à trembler de tous ses membres et le livre tomba de ses mains. Puis ensuite, il revint vers la voie de guidance et droite, la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la voie des compagnons qu'Allah les agrée tous. L'imam Ahmed, rahimahullah, il a éclairci ce point comme nous l'avons cité précédemment. Si toi, tu te tais et moi, je me tais, quand l'ignorance saura distinguer l'authentique du faible? Les points de repère se brouillent et les pistes se mélangent, le cheikh il dit. Thumma tarjama dhalika al-imam Ahmad fi ma marra dhikruhu idha sakata anta wa sakattu ana famata ya'rifu al-jahilu as-sahih min as-saqim tashtabihu al-ma'alim wa takhtalitu ad-durub wa yasiru an-nas fi halin fawda yatalaqqa al-wahid minhum maqulat ahli az-zayg wal-bid'ah wad-dalal 'ala annaha sarihu ad-din wa haqiqatu al-islam العظيم الذي جاء به نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم قال قلت ليوسف أما تخاف أن تكون هذه غيبة فقال لما يا أحمق لما يا أحمق أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن أطراهم كان أضر عليهم من أطراهم كان أضر عليهم من قال له أنت أمير السفهاء خير له ممن قال له أنت أمير الفقهاء أنا خير له من آبائهم وأمهاتهم أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن أطراهم كان أضر عليهم Écoutez ces belles paroles, ya ikhwa. L'imam Ahmed, comme on a dit, il a éclairci ce point, comme nous l'avons cité précédemment, si toi tu te tais, moi je me tais, quand l'ignorance saura distinguer l'authentique du faible? Les points de repère se brouillent et les pistes se mélangent. Et les gens sont alors dans le chaos. L'un d'entre eux prend les paroles des gens de la déviation, de l'innovation religieuse et de l'égarement, comme si c'était la religion pure et la vérité de l'islam avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je dis à Youssouf, n'as-tu donc pas peur que cela soit une médisance? Écoutez la réponse. Il me répondit, Lima ya ahmak, pourquoi donc, oh fou? Et Cheikh Arslan, il dit, si tu t'arrêtes sur le qaf, في القلقلة أحمق. ها؟ اتقعوا ساكنة. Je suis meilleur pour eux que leur père et leur mère, car j'interdis les gens de commettre ce qu'ils ont innové dans la religion. Allahu Akbar. Et je leur évite que leurs péchés les suivent, tandis que ceux qui leur prodiguent des éloges leur sont plus nuisibles. Celui donc qui leur prodigue des éloges leur est plus nuisible. Celui qui lui dit « tu es le prince des idiots » est meilleur pour lui que celui qui lui dit « tu es le prince des fuqaha, le prince des jurisconsultes ». Je suis meilleur pour eux que leur propre mère et leur propre père, car j'interdis les gens de commettre ce qu'ils ont innové dans la religion. Et je leur évite que leurs péchés les suivent, tandis que ceux qui leur prodiguent des éloges leur sont plus nuisibles. Allahu Akbar. أخرج أبو نعيم في الحلية قال قال عاصم الأحول جلست إلى قتادة فذكر عبد بن عبيد فوقع فيه فنال منه فقلت يا أبا الخطاب ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ اشتبه عليه غفر الله له وما زالت هذه تتلقفها الألسن إلى هذا العصر وستظل. قال ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ فقال يا أحول أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع ينبغي أن له أن يذكر حتى يحذر. قال يا أحول كما قال يوسف بن أصبات لأبي صالح الفراء لما يا أحمق وإذا وقفت فقلقي للقاف اتقع ساكنة لما يا أحمق أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم إلى آخر ما قال. وهنا يقول يا أحول ألا تدري أن الرجل إذا ابتدع ينبغي له أن يذكر حتى يحذر. هذا صراط الله مستقيما فاتبعوه، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو نعيم رحمه الله il a rapporté dans l'Hilya que Asim al-Ahwal il a dit j'étais assis avec Qatada lorsqu'il médita Amr ibn Ubayd et le critiqua. Je lui dis alors ô Abu al-Khattab, ne vois-je pas que les savants se critiquent les uns les autres? Il fut confus. Qu'Allah lui pardonne, et cette parole est sur les langues jusqu'à nos jours encore, et cela durera. Hein? Dans certains forums maintenant, quand on voit les critiques sur Ibrahim Rouhaili, on dit « Ah, mais akhi, j'avais des bons livres de lui. Qu'est-ce qui se passe ?» Même lui maintenant. Hein? Même lui maintenant. Si il mérite d'être critiqué, il sera critiqué, quel qu'il soit. Est-ce qu'il est ma'soum ? Est-ce qu'il est ma'soum ? Est-ce qu'il est infaillible ? Est-ce que vous croyez qu'il est infaillible? Non. Donc vous admettez qu'il peut être en erreur. Et le haq, il est avec Dalil. Sur Beljabiri, hein? Et Hassan Abou Asma, si je ne me trompe pas, il a traduit cette réfutation de Sheikh Beljabiri sur Ibrahim Rouhaili. Hein? Il a clarifié avec Dalil. Sheikh Mohamed Mahadi al-Madkhali également. Sheikh Abdallah al-Bukhari également. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est un Sheikh de Médine. Parce que c'est un Sheikh qui enseigne à l'université de Médine et qui enseigne à Médine, et que c'est quelqu'un qui était considéré en bien par tout le monde, on va se taire sur les erreurs. C'est qui est meilleur pour lui? C'est qui est meilleur pour lui que son père et sa mère? C'est qui? Comme il a dit le chir ici. Hein? Ya ikhwa, il ne faut pas s'accrocher aux gens, il faut s'accrocher à la vérité. Les gens sont connus par la vérité, hein? Pas la vérité par les gens. Tu prends les gens, tu les mets sur la balance de la vérité pour voir, pas le contraire, ya rifillah, ya ukhti fillah. On salla azza wa jalla yuwaffiqahu lirruju' wa littawba min hadhihi al-akhta' wa an yaqbala nasihat al-ulama al-rabbaniyin mithl Sheikh Ubayd wa Sheikh Ibn Hadi al-Madkhali wa ghayrihim mimman nasahuh. Hein? Et certaines personnes, maintenant, de ce genre de paroles, ils sont sensibles à ce genre de paroles. Ils vont dire, ah, regardez, maintenant, le frère Mahdi fait fitna. On ne fait pas fitna. On dit ce qu'ils disent les ulama. Quand un alim, il parle, on parle. Quand un alim, il se tait, on se tait. Il y a des gens, on connaît leurs erreurs depuis des années. Même certains connaissent leurs erreurs depuis presque 10 ans maintenant, et on se taisait pendant presque 10 ans. Mais quand les ulama, ils ont parlé, on parle. Parce que les ulama, quand ils parlent avec ilm. Et quand ils se taisent, ils se taisent basés sur une science également. Parce qu'ils savent quand parler et ils savent quand se taire. J'étais assis avec Qatada lorsqu'il médita Amr ibn Ubayd Et le critiqua, je lui dis alors, oh, parole est sur les lampes jusqu'à nos jours encore, et cela durera. Il dit, ne vois-je pas que les savants se critiquent? Je voudrais demander au frère de confirmer qu'il a du son parce que je viens de recevoir un message de Skype. Barakallahu fik, ahsallahu ilayk. Ne vois-je pas que les savants se critiquent les uns les autres? Il répondit, oh Ahwal, ne sais-tu pas que si un homme innove dans la religion, il faut le dire afin que les gens soient sur leur garde quant à lui? Il dit, oh Ahwal, comme Youssouf ibn Asbat, il a dit à Abu Salih al-Farra, pourquoi donc, oh fou, lima ya ahmaq? Et si tu t'arrêtes sur la lettre qaf de ahmaq, fou, alors fais le qalqalah, car la lettre est surmontée par un sukun. Pourquoi donc, oh fou, je suis meilleur pour ceux-là que leur père, leur mère, etc. Et ici, il dit, oh Ahwal, ne sais-tu pas que si un homme innove dans la religion, il faut le dire afin que les gens soient sur leur garde quant à lui. Ceci est donc la voie du rectitude d'Allah. Suivez-la donc. C'est la religion de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on ne s'attache pas à un endroit particulier. Hein? On ne s'attache pas à une personne particulière. On suit une personne particulière parce qu'elle est dans le suivi de la vérité. C'est ça le dhabit. On suit les ulama parce qu'ils sont suivis de la vérité. On va étudier un endroit parce que cet endroit, il est connu pour une da'wa de la vérité. Et pas pour l'endroit lui-même, même si la vérité, elle n'est plus là. Ash-Shatibi rahimahullah. Regardez, les salaf, il ne fait rien que porter les paroles des salaf. Depuis tout à l'heure, il parle narration après narration. قال الشاطبي رحمه الله معلقا على هذا الأثر عينه فمثل هؤلاء لابد من ذكرهم والتشريد بهم لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة فلا شك أن التفرق بين المسلمين والداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم يعني إذا كثر سوادهم فإن الفرقة حينئذ غير الفقه في دين الله عز وجل حينئذ تكون أشد ولا أن الخصام يكون أعظم وهذا ضرر وهذا ضرر قال وإذا تعارض الضرران يرتكب أخفهما وأسهلهما وبعض الشر أهون من جميعه فقطع اليد المتآكلة إتلافها أسهل من إتلاف النفس فهذا شأن الشرع أبدا أن يطرح حكم الأخف وقاية من الأثقل انتهى كلام الشاطبي رحمه الله في كتاب الجليل الاعتصام écoutez cette parole de cet éminent imam de la sunna الشاطبي رحمه الله qui écrit son fameux livre الاعتصام et qui écrit aussi le موافقة dans أصول الفقه vous allez voir pourquoi je parle de أصول الفقه ici regardez le fiqh des ulama ya ikhwa regardez comment ils comprennent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا يُرِجِ اللَّهُ بِغَيْرَ يُفَقِهُ فِي الدِّينِ Celui qui a Allah veut un bien, il lui facilite la compréhension de la religion. Et les ulama, ils disent, la compréhension par le contraire, c'est quoi? Que celui qui ne comprend pas la religion, Allah ne lui veut pas un bien. On demande à Allah Azza wa Jalla fiqh fi d-din. Écoutez cette parole de l'imam Shatibi. Il dit en expliquant cette même athar, cette narration de qui? C'est qui qu'on a cité juste avant? Bon, si vous suivez, ou bien si juste avant l'iftar, vous ne suivez pas, là, vous êtes en. Hein? On dit quoi? Hypoglycémie, c'est ça, hein? Hypoglycémie, hein? On manque de sucre. Alors, vous suivez ou pas? C'est qui a parlé avant? C'est Abu Nuaym dans le Hilya, il a rapporté. À la Koulihal, Ash-Shatibi rahimahullah, il a dit, ce genre de personnes doivent être citées et critiquées, car le mal qui retombe sur les musulmans, lorsqu'on les laisse, est plus grand que le mal qui arrive lorsqu'on les cite. Et on fait fuir les gens d'eux. Regardez le fiqh. Si, écoutez cette phrase qui est un peu technique, hein, écoutez bien. Si la cause du délaissement, du fait de les citer de manière spécifique, est la peur de la division, et de l'inimitié. C'est ça que disent les gens. Après, tu divises, après, tu divises. C'est ça, c'est la peur de la division qui fait qu'ils disent que après, ne parle pas de manière. Réfute l'erreur, mais ne réfute pas lui de manière spécifique. Et quoi, l'erreur, elle marche toute seule. Hein? C'est pas quelqu'un qui la répand. Alors, il n'y a aucun doute que diviser entre les musulmans et seuls ceux qui appellent à l'innovation religieuse, si on a établi la preuve sur eux, est plus facile que de diviser, entre les musulmans d'un côté et ceux qui appellent l'innovation religieuse, ainsi qu'ils sont ceux qui sont leurs suiveurs, leurs partisans de l'autre côté. Ce qu'il faut comprendre ici, tu as deux situations. Et tu dis, tu te tais, tu ne parles pas de manière spécifique. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les musulmans vont se diviser, ça, oh là là. C'est que ceux qui connaissent la vérité, ils vont d'un côté, et les gens de la bid'a, et les suiveurs msakin qui connaissent pas, ils vont être de l'autre côté. Ça, oh là là. Tandis que si tu parles de manière spécifique, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les suiveurs, ils vont connaître la vérité, donc ils vont être avec les gens de la vérité, et les gens de la bid'a, ils seront seuls de leur côté. Quelle est la moins grande des divisions? Et quel est le moins grand des deux mots, pardon? C'est ça que le cheikh est en train de dire ici. C'est-à-dire que si leur nombre augmente, la division sera plus forte et la dispute sera plus grave. Et ceci est un mal et cela est un mal. Il dit, et si deux mots s'opposent, et je dis pourquoi je dis usul fiqh? Parce que l'imam Shatibi rahimahullah, c'était un spécialiste dans usul fiqh, les fondements de la jurisprudence. Regardez ce qu'il dit ici. Et si deux mots s'opposent, on commet le moindre. Est le plus facile des deux mots. Et une partie du mal est moindre que tout le mal. Et regardez l'exemple qui va dire. J'ai regardé un peu dans les livres de fiqh, dans les fatwas de ulama. C'est ce que les ulama de fiqh disent, les fuqaha. Couper la main qui gangrène. Ici, si une main a la gangrène. Hein? Sa destruction est moins grave que la destruction de la personne entière. Hein? Même les kuffars, ils disent ça. Des fois, ils amputent un membre pour préserver la personne. C'est vrai ou pas? Hein? Non, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Khalim ala gangrène, htaymout. Et vous allez voir le titre. Maintenant, vous commencez à comprendre petit à petit le titre du cours. Ils sont la peste des cœurs. On y arrive petit à petit. Il dit, et si deux mots s'opposent, on commet le moindre, le plus facile des deux mots. Et une partie du mal est moindre que tout le mal. Couper la main qui gangrène, sa destruction est moins grave que la destruction de la personne entière. Et c'est cela toujours la situation de la religion. Poser le jugement du plus léger en protection du plus lourd. Fin de citation de l'imam Shatibi rahimahullah dans son illustre livre Al-I'tisam. Hein? Et je vous rapporte une faïda de Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Il rapporte Al-Ijma' sur cette règle-là. Sur le fait qu'on prend toujours le moindre mal par rapport au plus grand. Si vous voulez la référence, c'est dans les réfutations que j'ai faites sur les 18 ambiguïtés des tekfirines. On en a traduit 3 ou 4. Je ne sais plus, 3 peut-être, 3 ou 4. Dans une des réfutations, il y a cette parole de Cheikh Ibn Baz avec la référence complète. Je peux continuer, Abou Asma? C'est un peu trop? Barakallahu fik, ahsallahu ilayk. Continuez les frères un peu ou... Hein? بين شيخ الإسلام رحمه الله معنى كلام الإمام أحمد في الرد على أهل البدع فقال بين رحمه الله أن نفع هذا عام للمسلم في دينه من جنس الجهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن العدو من أهل الحرب إذا استولوا ولم يفسدوا القلوب إلا تبعا on vient vers le titre là du cours. أما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء يحرفون الدين ويشوهون حقيقة اليقين شغل الإسلام دين وما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم يفعلون ذلك ابتداء لأنهم يدخلون باسم الدين يتسللون باسم الإسلام العظيم ويفسدون وهم يلبسون مسوح الإصلاحيين وأمهل الحرب من الخارج فمعلوم خطرهم المعلوم عدواتهم معلومة عدواتهم وعليه فالمسلمون منهم في حذر يتوقون ويحذرون لا يطاوعون ولا يستجيبون وإن فعلوا فإن ذلك يأتي تبعا لابتداء écouter cette parole aussi de Cheikh al-Islam. Qui? Cheikh al-Islam, le Cheikh de l'Islam. Son surnom, il veut tout dire. Qu'Allah lui fasse miséricorde, rahimahullah, a expliqué le sens de la parole de l'imam Ahmad au sujet de la réfutation des gens de l'innovation religieuse en disant, il a clarifié, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est-à-dire l'imam Ahmad, que le bénéfice de cela est général pour tous les musulmans dans leur religion, à l'exemple du combat sur le sentier d'Allah. Car le fait de purifier le sentier d'Allah et sa religion et sa voie, sa législation et repousser la transgression de cela, elle est détestée pour cela, est une obligation communautaire, et ce, à l'unanimité des musulmans. Et si ce n'était ce qu'Allah a adressé afin de repousser le mal de cela, leur religion aurait été altérée. Et son altération aurait été plus grave que la corruption de l'occupation de l'ennemi qui est en guerre contre nous. Car l'ennemi parmi ceux qui sont en guerre contre nous, s'ils nous envahissent, ne corrompt les cœurs que de manière consécutive, tandis que cela corrompt les cœurs en premier. Ils sont la peste des cœurs, vous comprenez un peu le titre maintenant, hein? Ils atterrent là, c'est par cette parole de Cheikh Islam Tumi, rahimahullah. Regardez le fiqh fi din, hein? Ils atterrent la religion et déforment la réalité de la certitude, et ce avec quoi est venu le prophète digne de confiance, sallallahu alayhi wa sallam. Ils font cela en premier, car ils entrent au nom de la religion et se faufilent au nom de l'islam sublime et corrompent, vêtus des habits des réformateurs. Tandis que ceux de l'extérieur, qui sont en guerre contre nous, leur danger est connu et leur haine est connue. Et c'est pour cela que les musulmans sont sur leur garde quant à eux et se protègent et prennent garde et ne se mettent pas à leur disposition, ni leur répondent. Et même s'ils font cela, c'est de manière consécutive et pas en premier. توارد كلام أئمة السنة الذين صنفوا في اعتقاد أهل السنة والجماعة على أن من أخص خصائص أهل السنة ومن أعظم أصولهم وأبرز علاماتهم أنهم يبغضون البدع وأهلها ويقومون على أهل البدعة أعظم قيام وأكبره. هذا من أعظم وأجل وأكبر علامات وشعائر أهل السنة وشعارهم أنهم يحاربون الشرك وأهله ويطاردون البدعة وأهلها ولا يهادنون في ذلك ولا يسالمون. Les paroles des imams de la Sunna qui ont écrit au sujet de la croyance des gens de la Sunna du consensus concordent sur le fait que, écoutez bien cette parole, et c'est ce qu'il disait Abu Khadija, hafidhahullah, hein, parmi les douats ici de la mosquée pour les frères sur la radio qui connaissent pas, hein, parmi les douats de notre mosquée ici, depuis le début du Ramadan, il fait le kalima après Tarawih sur le manhaj tous les jours. Et c'est ce qu'il dit. Hein, il a rapporté la parole de Sabouni, rahimahullah, hein, dans l'aqidat al-hadith ou l'athar, et on va la rapporter, incha'Allah. Que ça fait partie des gens de la Sunna, et leur signe distinctif, et par lequel tu peux voir quelqu'un des gens de la Sunna, c'est que, c'est quoi? Mais on va le voir dans un instant, incha'Allah. Ils concordent sur le fait que fait partie des plus spécifiques, des spécificités des gens de la Sunna, et de leurs plus importants fondements, et de leurs signes distinctifs, les plus connus, qu'ils détestent les innovations religieuses et les gens des innovations religieuses, et qu'ils se dressent contre les gens de l'innovation religieuse de la plus forte et de la plus grande des manières. Ceci fait partie des symboles des gens de la Sunna les plus importants et les plus nobles et les plus grands. Leur symbole, comme on va voir dans un instant, il dit les frères, il y a 41 pages en français, on est qu'à la 11e. Hein? Donc accrochez-vous, Inch'Allah. Hein? À mon avis, Allah Alim, c'est peut-être un cours qu'on va peut-être faire en deux fois. On verra comment vous sentez. والأئمة الذين صنفوا في اعتقاد أهل السنة تواردوا جميعا على إثبات أهل هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة. وبينوا هذه العلامة العظيمة من علامة أهل السنة وهي فارقة بين السني ومن تشبه بالسني وليس منه في قليل ولا كثير. Leur symbole, ceci fait partie des symboles des gens de la Sunna, les plus importants et les plus nobles et les plus grands. Leur symbole, ce sont qu'ils combattent l'association à Allah. Et ces gens, et qu'ils attaquent l'innovation, et ces gens, ils ne concluent pas de trêve à ce propos, ni font la paix à ce sujet. Les imams, guides, qui ont écrit sur la croyance des gens de la Sunna, sont tous d'accord, ijma, unanimité, ittifaq, sur l'affirmation de ce fondement parmi les fondements des gens de la Sunna. Et du consensus. Et ont mis en évidence ce signe très important parmi les signes des gens de la sunna, qui est le signe distinctif entre le sunnite et celui qui s'assimile à un sunnite, mais qui n'en est pas de la sunna, ni de peu, ni de beaucoup. Toi, tu as des fondements. Il faut apprendre les fondements. Il faut apprendre les livres où on rapporte ces fondements-là. Et c'est un truc que je dis toujours depuis le début de la da'wah, depuis des années, je dis toujours aux frères, je dis, ya ikhwa, apprenez le manhaj salafi. Le manhaj salafi, ce n'est pas tout ce que tu penses, ce n'est pas ton opinion, ce n'est pas ce que tu crois. C'est ce qui a été compilé dans les livres de la salafia. Connais ces fondements-là et mets-les en pratique. Un des fondements qui fait la distinction entre le sunni et le bid'i. On est en train de parler de sunna et bid'a, on n'est pas parlé de furu ou des choses qui sont des branches de la religion. On parle de usul ad-din. Eh bien, c'est quoi? Sur leur distinction, leur mise par rapport aux gens de l'innovation, leur mise en garde, leur détestation, leur mise en garde, leur boycott des gens d'innovation. Qu'en est-il de certains de nos frères? Même ici à Birmingham, il y a quoi? Certains de nos frères francophones qui sont venus pour le din, qui sont venus pour la salafia et qui se retrouvent dans le message d'Al-Bida'a, comme le message de Green Lane ici, où il y a certains parmi les têtes des gens de l'innovation et de l'égarement qui appellent. Ils se retrouvent là-bas et même ils y appellent et ils le défendent. Et ils défendent les gens dans notre mosquée qui sont infiltrés dans nos rangs. Et on les connaît, alhamdoulilah. On n'est pas dupes, hein, on connaît les gens dans notre mosquée. Et on connaît qui va chez eux et qui est avec eux et qui n'est pas avec eux. Ya ikhwa, c'est un din ça, ya ikhwa, fillah. C'est un din. Il faut prendre un mawqif. Il faut le wala ou le bara. Il dit, c'est un signe distinctif entre le sunnite et celui qui s'assimile à un sunnite, mais qui n'en est pas de la sunna, ni de peu, ni de beaucoup. Et ça me rappelle une parole de Cheikh Mokbel, qu'est-ce qu'il disait, rahimahullah, ici. Qu'est-ce qu'il dit, le Cheikh, ici. Cheikh Mokbel, qu'est-ce qu'il disait? As-salafi laysat jubbatan. Ce n'est pas une cape ou un vêtement que tu mets au-dessus de toi. Tu vas khala, je suis salafi. Hein? Ou une peinture, si tu veux. C'est la peinture salafi. Et quand tu grattes un peu, tu vois le hizbiya, tu vois le bid'a. Salafi, il est salafi intérieurement et extérieurement. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il est seul sur la salafia. Parce qu'il ne cherche pas l'agrément des gens. Que de toute façon, tu ne pourras jamais obtenir. C'est une parole connue chez les ulama, ça. La satisfaction des gens, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais obtenir. Mais la satisfaction d'Allah, c'est facile à obtenir pour celui à qui Allah l'a facilité. Pourquoi? Soit sur la sincérité et la sunna. Alhamdulillah, Allah est satisfait de toi. Allah, Rabbul Alamin, ton créateur, subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh, vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Parmi ces imams, il va citer maintenant ces imams. Il y a qui? ومن هؤلاء الأئمة الإمام أحمد وولده عبد الله والخلال والبربهاري والآجري regardez ces noms, que des imams, que des montagnes de la science واللالكائي والصابوني والأصبهاني وأبو الحسن الأشعري وغيرهم لا تكاد تخلو مصنفاتهم من النص على هذا الأصل مع تأصيله وسوق الأدلة عليه وإيراد كلام السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان على تأسيسه وتقعيده ورفع شعاراته ووضع دعائمه. Parmi ces imams qui ont rapporté ce fondement, l'imam Ahmed, son fils Abdullah ibn Ahmed, Al-Khalal, et Al-Barbahari qui a fait son fameux livre Sharh Sunnah, et Al-Ajuri, qui a fait quel livre? Al-Sharia, et Al-Lakai, l'Atiqad Al-Sunnah Al-Jama'a, Al-Sabouni. Regardez, c'est des livres, des onceaux de la Sunnah pour nous aujourd'hui. Al-Asbahani, Abu Al-Hasan Al-Ash'ari, rahimahullah jami'an, et d'autres dont les ouvrages ne manquent pas de citer ce fondement en citant ses origines et en rapportant les preuves à son sujet et les paroles des plus prédécesseurs. parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis de manière exemplaire sur sa fondation et sa réglementation, et en élevant ses insignes et en posant ses piliers. Hein? Et ça, c'est Nasiha aux frères qui font da'wah, qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils enseignent ses livres. Parce que des fois, il y a certains frères, ils ont peut-être cette choubha-là. Non, c'est des frères un peu, c'est des livres, c'est trop technique, c'est trop dur pour les gens. Les gens, non, il faut commencer par autre chose d'abord. Subhanallah al-Azim. Qui tu es toi pour dire ça, ya akhi fillah? Fais la da'wah comme la font les ulama. Nous, on n'est pas des ulama, ya ikhwa. Nous, si on est juste le maillon entre les ulama et le public francophone de manière correcte, fani'ma wadak. Si on est juste ça, juste ça, juste si on reproduit la da'wah des ulama en la traduisant au public francophone, si on fait juste ça correctement, alhamdulillah, on doit faire ce jeu de shukr. Commence pas de prendre l'indépendance et de prendre pour ce que tu n'es pas, ya akhi fillah. Les ulama, ils enseignent sur le sunnah de l'imam Ahmed, rahimahullah. Alors nous, on l'enseigne aussi. Alhamdulillah, on le fait ici à la mosquée de Birmingham. Les ulama, ils enseignent Sharh Sunnah al-Barbahari. On le fait, alhamdulillah. Les ulama, ils enseignent sur le sunnah d'Ibn Abi Zamanin. On l'enseigne, alhamdulillah. On va le faire un jour, inshallah. On sur le sunnah de l'imam al-Humaydi, rahimahullah. Parmi les chouïrs de l'imam muslim. On va le faire un jour, inshallah. Hein? Kitab la Sharia al-Ajuri. Inch'Allah, c'est un grand livre. Inch'Allah, on demande à Allah qu'il nous facilite. Il va être bientôt publié en 4 volumes de Cheikh Rabia, Inch'Allah. Hein? On va le faire un jour, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne une longue vie sur son obéissance, subhanahu wa ta'ala, pour qu'on puisse faire ce genre de travail-là. Hein? Non, on fait aussi le Talata. On fait quoi à l'Arba? On le fait aussi, alhamdoulilah. On fait aussi le Sita. On les a fait. On a fait aussi le Sita. On a fait aussi le Talata. On fait Kitab al-Tawhid. Le Tawhid al-Ibada. Bien sûr. On fait des livres dans l'Asma al-Sifat. Bien sûr. Et les autres livres, on les fait pas? Hein? Subhanallah al-Azim. Et les gens, ils sont demandeurs en plus, c'est ça. Les gens, ils croient qu'eux, en faisant ça, ils vont avoir plus de gens. Or, les gens sont demandeurs. Dans toutes les conférences où j'ai été, alhamdoulilah, en France et en Belgique, j'ai vu beaucoup de bien, alhamdoulilah, beaucoup de débutants, de nouveaux convertis, des gens qui commencent à pratiquer, des gens qui commencent à connaître le masjid salafi, le da'wa salafia, ou qui ne la connaissaient pas. Ils sont venus voir après les cours. Je dis, ah, est-ce que tu peux faire des cours dans le manhaj? Est-ce que tu peux faire encore plus de cours dans le manhaj? Comme il dit Cheikh Fala Ismail, je lui ai rapporté ça, je lui ai dit, ya Cheikh Abshirou, les gens ils veulent la sunnah, alhamdulillah, les gens ils veulent salafiya, beaucoup de gens. Il a dit, non, sunnah tu ablaj. La sunnah elle est belle, la sunnah elle est magnifique. Pour les gens qui cherchent la sunnah, ah mais ceux qui sont malades, là, hein, on n'a aucun moyen pour les guider. Nous ce qu'on fait c'est montrer, orienter les gens, c'est tout, c'est Allah qui guide le cœur des gens. Bayyan ya akhi. طريق المفصل الوضوح في المنهج الرسول صلى الله عليه وسلم كي لا ريبورتي شيخ برمزان dans un livre que j'ai traduit un cours que j'ai traduit et que j'ai fait à Nice et qui est traduit en PDF aussi qui s'appelle la clarté dans le manhaj et son effet dans la propagation de l'appel à Allah azza wa jal. Il rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم du premier assise tu savais sur ce quoi il était. En une assise, les gens qui allaient vers lui, ils revenaient différents de comme que hein, de ce sur quoi ils étaient avant d'y aller. La clarté, la clarté, la limpidité. Hein? C'est ça, la da'wa salafia. On n'a pas de problème de bayan. Les ulama, ils font le bayan. Est-ce que tu crains Allah Azil plus qu'eux? Mashallah, tu as plus de wara qu'eux, tu ne veux pas parler? Wallah al-musta'an. Écoutez cette parole, maintenant il va rapporter les incités, maintenant il va rapporter des paroles des salaf, de ces grands imams-là. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث في بيان علامات أهل السنة في بيان علامات أهل السنة قال ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوسوس والخطرات الفاسدة ما جرت وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضوا في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره سورة الشورى وذكر رحمه الله ما اتفق عليه أهل السنة من ذلك فقال واتفقوا يعني أهل السنة على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخذائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. أبو عثمان الصابوني رحمه الله سي غون سي إيج دوموند الله عز وجل كنو فاسيليت كون فاس الشيخ ربيع جلي سي إلي تي كومبيلي دايوغ دون إلي تي إمبريمي دون وبوبليي دون مجموع الفتاوى دي ليفغ دو الشيخ ربيع الشيخ الإمام الصابوني عقيدة السلف سون ليفغ وأصحاب الحديث إلي تي إكسبيكي باغ الشيخ ربيع إلي ميم تي بوبليي أون أن ليفغ indépendant, qui n'est pas dans son majmou, hein, on demande à Allah qu'il nous facilite qu'on le fasse ce livre, parce que c'est des livres, des osseaux de la sunna. Il a dit dans la croyance des plus prédécesseurs, son livre s'appelle Aqidat Salaf ou Ashab al-Hadith. La croyance des plus prédécesseurs et des gens du Hadith. Regarde le titre, il est clair, wadih. Tu sais sur à quoi tu vas t'attendre. Dès le titre. Dans la mise en évidence des signes des gens de la sunna. Et il, c'est-à-dire qui il? Les gens de la sunna. Toi, maintenant, si tu veux partir des gens de la bid'a, c'est ton problème. Qu'Allah nous en préserve. Lui, il a dit les gens de la sunna. Nous, on veut faire partir des gens de la sunna. Donc, on veut connaître leurs signes distinctifs pour pouvoir les mettre en application. Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous facilite et qu'il nous donne tawfiq à les mettre en application. Subhanahu wa ta'ala. Et il déteste les gens de l'innovation religieuse qui ont inventé dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Et il ne les aime pas. Et ils ne leur tiennent pas compagnie. Et n'écoutent pas leurs paroles, et ne s'assoient pas avec eux, et ne discutent pas avec eux au sujet de la religion, et ne débattent pas avec eux, et ils voient qu'ils doivent préserver leurs propres oreilles contre leurs faux, qui, s'ils passent par leurs oreilles et s'établissent dans leur cœur, regardez ce qu'il a dit, Imam Sabouni, s'ils passent par leurs oreilles et s'établissent dans leur cœur, leur seront nuisibles et leur causeront les tentations et les obsessions perverses qui leur causeront. Ça me rappelle une parole de l'Abd al-Abbas, le grand compagnon, Tourjama al-Qur'an, exégète du Coran par excellence, hein, parmi les Sahaba, il a dit quoi ? Iyakum mujalasat ashab al-ahwa, fa inna mujalasatahum mumridatun lil-qulub. Prenez garde à vous asseoir avec les gens des passions, car leurs assises rendent les cœurs malades. Maintenant, nous, il y a des frères, hein, ils se revendiquent de Dawa Salafia, ils vont au fast-food, ils vont au snack avec quelqu'un, hein, un tekfiri, ils vont avec un ikhwani, ils vont jouer au football, hein. Ils disent, Alhamdulillah, c'est un frère, hein, je lui fais nasiha, je lui fais nasiha. Pendant combien d'années tu lui as fait nasiha, tu rigoles avec lui, c'est ça nasiha, tu rigoles avec lui, tu vas manger avec lui, tu rentres, tu sors avec lui, hein, tu en fais ton compagnon, tu partages tout avec lui, c'est ça nasiha. Et après quelques années, qu'est-ce qui se passe? On voit que c'est lui qui est avec l'autre. C'est lui qui est avec l'autre. Parce qu'il était affecté. Al-wala wal-bara. On aime et on déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour autre chose. Et à ce sujet, Allah le Très-Haut a révélé sa parole dans la traduction du sens est, parce qu'évidemment, les ulama de la sunna, ils basent leur fondement sur le kitab wa sunna. Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos d'un verset, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Sourate Al-An'am, verset 68. Wa dhakar rahimahullah. Ma attafaq ali ahl-sunnati min dalika faqal. Wa attafaqu yani ahl-sunna ala al-qawli bi qahri al-bida'. J'ai déjà lu ça en arabe. On traduit directement comme ça, on gagne du temps. Et il a cité qu'Allah le préserve, c'est au sujet duquel les gens de la sunna sont unanimes en disant, et ils sont unanimes, c'est-à-dire les gens de la sunna, sur l'avis, écoutez bien, d'exercer la coercition sur les gens de l'innovation religieuse et les humilier et les éloigner et les écarter et de s'éloigner d'eux et de s'éloigner du fait de leur tenir compagnie et de s'éloigner du fait de les fréquenter et de se rapprocher d'Allah en s'écartant d'eux et en les boycottant. Comment tu te rapproches d'Allah en t'écartant d'eux et en les boycottant? Vous avez vu? هذه عقيدة السلف للإمام الصابوني رحمه الله يذكر هذا الاتفاق هذا الإجماع قال واتفقوا يعني أهل السنة على القول بقهر البدع وإدلالهم وإخذائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. وقال الأصبهاني رحمه الله في كتاب الجليل: الحجة في بيان المحجة. Et voici donc la croyance de l'imam Saboni qu'Allah lui fasse miséricorde. Il rapporte ce consensus et cette unanimité en disant, et ils sont unanimes, c'est-à-dire les gens de la Sunna, sur l'avis d'exercer la coercition sur les gens de l'innovation religieuse et de les humilier et de les éloigner et de les écarter et de s'éloigner d'eux et de s'éloigner du fait de leur tenir compagnie et de s'éloigner du fait de les fréquenter et de se rapprocher d'Allah en s'écartant d'eux et en les boycottant. Alors ils sont certains de nos frères qui appellent à prier le Mejid de Grillen ici, le Mejid de Hizbiyin. Hein? Cheikh Fala Ismail, il était ici, malade, il était assis pendant des heures, il nous expliquait les erreurs de ces gens-là, les erreurs d'Abdelrahman Abdel Khaliq, les erreurs d'Ihya Touras qui finance ce centre-là, etc. Les paroles de Cheikh Rabi', les paroles de Cheikh Oubed, les paroles de Cheikh Mohamed, les paroles de, hein? Et on en passe et on en passe. Et il y a des frères qui continuent à aller à Grillen. Pourquoi? L'imam, il a une belle voix. J'aime bien là-bas. Je me sens bien là-bas. Il y en a même certains qui appellent certains de nos frères et qui lui disent: Akhi, viens, t'as pas goûté, tu sais pas ce que tu rates. On ne dit pas que le salat est bâtil, attention, qu'il n'y en a pas un qui vient de croire. Hein, comme l'a dit Abou Khadija le journal d'Ars, on ne dit pas ça. On ne peut pas essayer de jouer avec nos paroles. Le salaf, il disait, il y a une règle dans le fiqh, man sahat salat ou li nafsi, sahat li ghayrihi. Et on voit la prière derrière le bid'a, s'il n'est pas une bid'a mukaffira. Ce n'est pas une bid'a qui l'amène au degré de mécréance, tu prédires lui ta prière, elle est sahiha. Si, hein? Parce que la prière de celui qui est. Ou la prière qui est authentique. La prière de celui qui prie qui est authentique, mais celui qui prie derrière lui, sa prière est authentique aussi. Mais ce n'est pas qu'on fait le tekfir sur eux, attention. Walakin, t'as un mejid salafi ici, akhi fillah. Il a un jet de prière de l'autre. Et toi, tu te sens bien, tu vas là-bas et tu pries avec ces gens-là, et, hein? Et on voit les gens qui parlent comme ça, ce sont des gens qui ont des choubouha dans le manhaj. C'est des gens qu'on voit s'asseoir avec le mukhalifin. Qui utilisent des sujets pour attaquer les frères. Comme par exemple l'udur al-bijahl, l'excuse de l'ignorance, etc. Hein? Ils rentrent avec le tekfir, ils rentrent avec l'udur al-bijahl, etc. Ils essaient de répandre ça parmi les salafis, Cheikh Rabi'a, comme il a dit, pour diviser le rang salafi. Et nous, on voit ces gens-là avec eux. Et ce que je dis, c'est valable pour ici, mais c'est valable pour ailleurs aussi. Les frères de France et les sœurs de France qui nous écoutent, ou de Belgique ou d'ailleurs, hein? Alhamdoulilah, même des fois des gens du Sénégal, qui, comme on nous a dit, qui nous écoutent, et des gens d'autres pays, de la Réunion, etc., qui nous écoutent, alhamdoulilah, hein? C'est valable partout, je crois. Quand on était en Belgique, on n'avait pas de mejid salafi, on priait avec les gens, les hizbines, on priait avec eux. Hein? On a pas, tu vas quoi? Tu vas rester à la maison tout seul, tu vas prier en jama, on ne dit pas ça. Mais t'as un mejid salafi. Et t'es venu ici pour le Majid Salafi. Et t'habites dans ce quartier pour être proche du Majid Salafi. Tous les frères que j'ai devant moi ici à la maison, tous, pas un, ils sont venus pourquoi? Vous êtes venus pourquoi les frères? Hein? Pour le tourisme? Vous êtes venus pourquoi? Vous êtes venus pour votre dîn? Vous êtes venus pour votre dîn? Hein? Vous êtes venus pour préserver votre dîn? Vous êtes venus pour balancer Hachir Obeid? Pour préserver, pour venir proche du Merkez Salafi? Et que vous puissiez pratiquer votre religion? Que vos femmes puissent pratiquer leur, hein, leur religion et les enfants, etc. Et moi, je vais laisser cette da'wa-là, cette da'wa salafia, da'wa al-haq, ce centre ici. Comme l'a dit Cheikh Ben Baz dans le hadith sur le hadith Hudayfa ibn al-Yaman sur le fitan, il a dit Aleka bil jama'a. Vous vous souvenez du hadith? Hein? Et s'il n'y a pas de jama'a ou l'imam? Vous connaissez ce hadith, hein? Qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Ben Baz? Il a dit si tu es dans un pays où il n'y a pas d'imam musulman, tu t'accroches à la jama'at muslimine. Tu t'accroches au merkez des gens de la vérité, au centre des gens de la vérité, à la mosquée des gens de la vérité. Tu t'accroches. Et si même ça n'y en a pas, tu t'accroches aux quelques frères avec toi qui sont sur la vérité. Vous êtes la jama'a. Et si tu veux, toi, tu es la jama'a. Khalas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais laisser la jama'a, je vais laisser le merkez salafi, ou les merkez salafi, parce qu'il y en a plusieurs en Angleterre, mais si c'est le principal qu'on a à Birmingham, alhamdulillah, je vais le laisser et je vais aller chez Al-Bida al-Ahwa. Et dire, en plus, je me sens bien. C'est bien, je me sens assez confortable. Ils ont l'air conditionnés, hein? Comme l'a dit Abou Khadija, il a dit, ils ont un tapis tellement moelleux que tu te perds dans le soujoud, hein, qu'on voit presque, on ne voit presque plus ton visage dans le soujoud, hein? Subhanallah. Subhanallah. C'est ça la balance maintenant, c'est plus grand, il y a à manger, On entend ces paroles-là, je crois. Ils amènent des pizzas. Subhanallah al-Azim. Que je mange, que je bois de l'eau, hein, et que je mange du pain si dur que je me casse les dents, comme à l'époque de Jermon Koubela Damaz, rahimahullah, avec les gens de la Sunna, c'est mieux pour moi que d'être là-bas dans le luxe. Wallah al-Musta'an. Afwan, les frères de France, je m'attarde un peu sur ce qui se passe à Birmingham, mais je pense que c'est important aussi d'en parler. Alhamdoulilah, c'est un cas pratique qui peut être appliqué partout et qui peut illustrer beaucoup de cas ailleurs. On continue. Al-Asbahani, rahimahullah, un grand imam aussi. Il a dit dans son fameux livre, illustre livre, Al-Hujjatu fi Bayan al-Mahajja. وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كانوا رجاء محبة الله له الله أكبر يا إخوة والله كون يكوت كان سلفي يكوت سي بارول سون كور يفون يا إخوة إنه يحب أولياء الله فيحبه الله فعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كانوا من الأرض من شرق أو غرب من شمال وجنوب رجاء محبة الله له وعليه بغض أهل البدع أي موضع كانوا حتى يكون من أحب الله وأبغى أحب لله وأبغض لله. Donc je répète, كانوا حتى يكون ممن أحب لله وأبغض لله وعليه ترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم لأن ترك مجالسة أهل البدع وترك معاشرتهم سنة. Qu'est-ce qu'il a dit ce grand imam al-Asbahani رحمه الله? Il a dit dans son illustre livre الحجة في بيان المحجة. Et il est obligatoire à tout individu d'aimer les gens de la Sunna et ce où qu'ils soient en espérant qu'Allah l'aimera. En espérant qu'Allah t'aimera, ya Khifillah. Il aime les alliés d'Allah, donc Allah l'aime. Il est donc obligatoire à tout individu d'aimer les gens de la Sunna, où qu'ils soient sur terre. Quelle que soit leur nationalité. Rien qu'ici devant moi, j'ai plusieurs nationalités. Il y a des Algériens, des Marocains, des Comoriens, hein, des Burundais, des Sénégalais, quoi d'autre? J'ai oublié quelque chose. Hein, alhamdoulilah. On est un? Il est donc obligatoire à tout individu d'aimer les gens de la Sunna où qu'ils soient sur terre, que cela soit à l'est ou à l'ouest, ou au nord ou au sud, en espérant pour lui-même l'amour d'Allah. Et il est obligatoire de détester les gens de l'innovation religieuse, où qu'ils soient, afin qu'ils soient de ceux qui aiment pour Allah et détestent pour Allah. Et il est obligatoire de délaisser le fait de s'asseoir et de tenir compagnie aux gens de l'innovation religieuse, car délaisser le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation religieuse et délaisser le fait de leur tenir compagnie est une sunna. Hein? Et on aime les gens de la sunna, quels qu'ils soient. Cher Zaid ibn Hadi al-Matkhali, Hafidhahullah, et toi, tu t'en souviens, en Belgique, à l'époque, une des premières fois que les frères l'avaient appelé, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, passez le salam aux frères de la sunna hein, en Belgique, etc. Il était content d'entendre qu'il y ait des gens de la sunna directement le cœur, hein, des salafis en Belgique. On entend des gens, ils sont en France, à Lyon, à Nice, à Marseille, à Paris, partout, alhamdoulilah. Hein? Au Sénégal, on sait qu'il y a des gens de la sunna. Aux Maldives, on a des contacts des frères des Maldives, au Sri Lanka, hein, en Nouvelle-Zélande. On entend qu'il y a nos frères en prison aux États-Unis, nos frères en prison en Angleterre, partout, etc. Des frères qui se convertissent, qui connaissent Dawa Salafi en prison. Cheikh Falah Ismail, il a été en prison aux États-Unis pour faire Dawa à ces frères-là. Hein, rien que d'entendre leur nom, des frères des Salafi, on les aime en Allah, subhanahu wa ta'ala. À Abu Wais, notre frère, rahimahullah, notre frère Salafi, parmi les pionniers de la da'wa Salafia, c'est lui qui a donné la da'wa Salafia à Abu Talha, rahimahullah, pour vous dire qui c'était. Peut-être que les frères de France ne le connaissent pas. Abu Talha, qui est hein, le traducteur, rahimahullah, il est mort cette année, Felhez, rahimahullah. Son histoire est connue même en France, parce que beaucoup de frères m'ont dit qu'ils étaient au courant. Hein? Qu'est-ce qui a fait que ces hommes-là ils sont connus, ils soient aimés? Abu Wais, je le connaissais quand j'étais encore en Belgique. Hein? Et il est mort du cancer, rahimahullah, on a tous pleuré à sa mort, rahimahullah. Qu'est-ce qui a fait qu'on l'aimait en Allah Azza wa Jal? Et qu'est-ce qui a fait qu'on le connaissait? C'est la Sunna. Il était aux États-Unis. Il étudiait à Médine. Il était connu chez le Mashaykh. Abu Talha rahimahullah, qu'est-ce qui a fait que les Mashaykh ils ont assisté à sa janaza? Qu'est-ce qui a fait que le Mashaykh, hein? Cheikh Al-Anjali, qu'est-ce qu'il a dit sur lui quand il est venu ici? Le Batal, le champion, il l'a appelé. Le Batal, Abu Talha, le champion rahimahullah. Qu'est-ce qui a fait que cet Anglais converti à l'islam, il soit connu par les ulama, le kibar d'Arabie Saoudite, et qui prit le janaza sur lui? Et que Rachid Rabi, il téléphone à chaque instant pour savoir comment ça allait, la janaza, et comment ses enfants qui étaient avec lui, ils allaient, etc. Hein? Qu'est-ce qui a fait que l'Arabie Saoudite, ils ont dépêché une voiture avec un chauffeur pour ses enfants? Qu'est-ce qui a fait qu'Allah, il a élevé ces gens-là? C'est la sunna. On a des frères au Japon, hier, on a des frères en Chine. Qu'est-ce qui fait qu'on les aime en Allah Azzawajal? Ah, qu'on sait qu'ils sont salafis, ils sont avec l'ulama, hein? Alhamdulillah, on les aime en Allah Azzawajal. C'est pas que tu sois grand, ou petit, ou blanc, ou noir, ou jaune, ou riche, ou pauvre. C'est pas ça le dhabit chez nous. C'est que tu sois sur la sunna. Pourquoi? Comme l'a dit l'imam l'Asbani rahimahullah. Parce qu'on espère qu'Allah nous aime. L'individu, il est avec celui qu'il aime. On est avec ceux qui aiment Cheikh Rabia. Pourquoi on aime tant ce Cheikh? Peut-être certains d'entre vous ne l'ont même jamais vu. Ça, oulala. Hein? Pourquoi on l'aime tant? Pour sa défense, la sunna, sa salafia. Pourquoi on aime tant Cheikh Obeid? Pourquoi on aime tant Cheikh Al-Fawzan? Pourquoi on aime tant Cheikh Al-Luhaydan? Pourquoi on aime tant Al-Mufti? Pourquoi on aime tant Cheikh Al-Mahsi Al-Abbad? Pourquoi on aime tant Cheikh Abdelrazak Al-Badr? Pourquoi on aime tant Cheikh Mohamed Ben Hadi? Pourquoi on aime tant Abdallah Al-Bukhari? Hein? Pourquoi on aime tant Cheikh Zayd? Pourquoi? Pour leur salafia. Si un salafi, quelqu'un le critique au Parlement, ses yeux vont devenir rouges, il va être en colère. Qu'est-ce que tu parles de ces gens-là comme ça? Cheikh l'Albani, rahimahullah. Moi, je l'ai raté, Cheikh l'Albani, rahimahullah. Je vivais en Jordanie pendant ça, mais je l'ai raté de peu, mais je l'ai raté, rahimahullah. Hein? Je ne l'ai jamais vu. Qu'est-ce qui fait que notre amour est tellement grand pour cette personne-là? Et vous connaissez son histoire, et vous savez comment il a souffert, rahimahullah, pour sa défense de la salafia. Où en est-nous par rapport à cette souffrance-là? Il a vécu dans le désert pendant 6 mois, comme Cheikh Najari nous a dit, parce qu'aucun pays ne le voulait. Hein? L'Arabie Saoudite ne le voulait pas, les Émirats ne le voulaient pas, hein? La Syrie ne le voulait pas. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la Jordanie qui l'a accepté. Il a vécu 6 mois dans le désert, dans une tente, tiens, Ikhwa. C'est qui l'a accepté? C'est la Jordanie avec la condition qui est. Et on va arrêter dans quelques minutes parce que le Mourob, il est proche en France. Donc, il sera dans quelques minutes, Inch'Allah. Donc, je ne sais pas, je te propose 2-3 minutes. Tu me fais un signe quand on s'arrête, Inch'Allah. Qu'est-ce qui a fait qu'il a été accepté en Jordanie? Eh bien, avec la condition du gouvernement jordanien, qu'il ne puisse pas avoir plus de 2 personnes dans sa maison. Et il y avait une pancarte affichée sur sa porte qu'il était interdit de se regrouper à plus de 2 personnes dans cette maison. Cheikh Al-Anjari, il a dit, j'ai vu cette pancarte de mes propres yeux. Pourquoi? Pour sa défense de la sunna. C'est un imam maintenant. C'est un imam. Il est un imam de sa vie, dans sa vie, il est un imam aujourd'hui dans sa mort. Qu'est-ce qu'il a élevé? Sa défense de la sunna, c'est sa salafia. Cheikh Falah Ismail nous a dit, de mes propres yeux, j'ai vu des traces de balles, des impacts de balles dans sa voiture à Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani lui-même, il me les a montrées. Et nous, on a juste peur que quelqu'un ne nous fasse plus un sourire. Ou quelqu'un n'aille plus manger au snack avec nous. Ou quelqu'un ne soit plus notre ami. Ou attention, il va dire quelque chose sur nous. Hein? On doit craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, ya ikhwa. On a parlé de ces ulama-là, on n'a pas parlé des anciens. L'imam Ahmed, rahimahullah. Wallah, si vous lisez son histoire, vous allez pleurer de toutes vos larmes. Comment il a souffert avec son compagnon Abu Nuh, rahimahullah. Il est mort, torturé, Abu Nuh, rahimahullah. L'imam Ahmed a pris janazah sur lui, il était tout seul. Ils étaient enchaînés sur un âne. Il était tellement torturé, l'imam Ahmed est frappé qu'il perdait conscience, rahimahullah. Et Cheikh Ihsan Lahidahir au Pakistan qui a été assassiné par Shia. Ça, c'est parmi les contemporains. Hein? Et Cheikh Mokbel, qu'on a essayé d'assassiner plusieurs fois. Et Cheikh Rabia, tout le monde, hein? Tous ces gens dans le monde entier qui parlent sur lui, qui le critiquent, tous ces sites qui sont voués à attaquer Cheikh Rabia. Est-ce que ça les a empêchés de dire la vérité? Avant eux, As-Sahaba, radiallahu anhu, comment ils ont été torturés? Comment ils ont souffert? Comment ils ont porté haut le drapeau de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, à leur tête. Cheikh Abdelrazak Al-Badri dit, tu veux être l'héritier du prophète et tu veux pas ta portion de l'héritage dans le mal et le tort qu'on va te faire dans la da'wa. Hein? Et on va s'arrêter sur cette parole de l'imam Al-Asbahani rahimahullah. Et on s'était arrêté dans le fait qu'il a dit que et le fait de les délaisser le fait de laisser le fait de leur tenir compagnie est une sunna. Je vais mettre un signe pour me rappeler, Inch'Allah, où est-ce qu'on s'est arrêté. Je ne sais pas si. Moi, ça ne me dérange pas de continuer demain à la même heure. Je ne sais pas si vous, ça vous arrange ou pas, parce que le frère, il est en train de me proposer ça sur l'Internet. Donc, Inch'Allah, peut-être 18h demain, Inch'Allah, on continue. Ça va? Donc, ils ont dit c'est bon. Donc, demain à 18h heure anglaise, 19h heure française. Et je remercie encore les frères de Sunna Publication, qu'Allah les préserve et qu'Allah nous affermisse ainsi que sur la vérité jusqu'à ce qu'on le rencontre, subhanahu wa ta'ala. Et les frères et les sœurs qui ont pu écouter sur Internet et les frères qui ont assisté ici. J'ai enregistré le cours, je ne sais pas si vous l'avez enregistré. Il sera donc disponible sur notre site et peut-être sur Sunna Publication aussi, inshallah. Et alhamdoulillah, on se voit demain. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik. واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته